Vous êtes à l'écoute de Radio Universidad de Occidente, qui émet sur les 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Bonsoir chers auditeurs de la radio UDO. Ce soir, nous vous accueillons avec un immense plaisir. Et nous vous disons bienvenue à bord du train. Le train qui vous apporte de la joie et du plaisir chaque dimanche soir à cette même heure sur la 820 AM. Ce soir, nous avons choisi pour vous une artiste de marque. Et je suis sûr que vous allez la reconnaître car elle va chanter en trois langues, français, espagnol et anglais. Elle s'appelle Madame Nana Mouskouri. Vous voyez, je vous l'avais dit, vous la connaissez. Hein? Et sans plus tarder, elle débutera le programme avec nous en nous chantant la balade de l'amour. Dis-moi, dans quel pays, s'il va venir un jour dans ma vie, le vent l'emporte de fleur en fleur, le vent l'emporte de fleur en cœur, un jour ici, un jour ailleurs, plus léger qu'une feuille, une feuille morte. Ce sont là les paroles de la chanson « La balade de l'amour » que va nous interpréter Nana Mouskouri. Dis-moi, dis-moi où est l'amour, dis-moi, dis-moi dans quel pays, dis-moi s'il va venir un jour dans ma vie. Le vent l'emporte de fleur en fleur, le vent l'emporte de fleur en cœur. Un jour ici, un jour ailleurs, plus léger qu'une une feuille morte. Oh, c'est une balade. Oh, c'est une balade. Oh, c'est une balade. La balade de l'amour. Dis-moi, dis-moi où est l'amour. Dis-moi. Tu es mon ami, dis-moi, dis-moi où est l'amour, je t'en prie. Ouvre ta porte, il était là. Ouvre ta porte, il n'est plus là. Le vent l'emporte de ci, de là. Plus léger qu'une feuille morte. Oh, c'est une balade. Oh, c'est une balade. Oh, c'est une balade. La balade de l'amour. Dis-moi. Dis-moi où est l'amour, dis-moi, je voudrais le garder, dis-moi, s'il faut pleurer un jour pour aimer. Pour une larme, pour un baiser, pour une larme, il est blessé. Pour presque rien, le vent l'emporte, plus léger qu'une feuille morte. Oh, c'est une balade. Oh, c'est une balade. continuer, elle nous dira comment faire pour être aimé, car elle nous donne des conseils très pratiques. Écoutons-la dans l'interprétation de la chanson intitulée « Pour mieux t'aimer ». En quittant le paysage français, nous allons parcourir le paysage de la Havana, Cuba, car elle nous chante la Paloma. Quelle douce voix, mon Dieu, j'aime cette femme. Écoutons-la dans la Paloma. Salir Et nous allons quitter maintenant la Havane pour aller en Europe avec Nana. Et pour cela, nous allons lui demander de nous chanter Chiquitita. Ce sera le titre de sa prochaine chanson. La blessure d'un premier chagrin fait mal très longtemps. Tout de suite après Chiquitita, Nana nous donne l'amour à l'héritage. Tu le veux? Bien sûr, moi je le reçois à plein cœur, car elle est sincère en nous l'offrant. Et qui refusera l'amour quand quelqu'un vous l'offre avec un cœur si léger? Vas-y Nana, dis-moi, comment l'as-tu reçu toi? Je voudrais le savoir. Le titre de la chanson, c'est « L'amour en héritage ». J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages pendant mes années folles ou sages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Connaissez-vous Siboney? Qui ne la connaît pas? Car tant d'hommes l'a vue, tant d'hommes l'a regardée, tant d'hommes l'a jalousement gardée et secrètement dans leur cœur d'amoureux. Et certains même l'a adorée. Elle nous chante Siboney. Écoutons-la. Et maintenant, elle nous transporte en Espagne en nous chantant Malagueña Salerosa. Je vous l'avais bien dit que le programme de ce soir était super, car Nana se surpasse de chanson en chanson. Pour cela, vous n'allez pas changer de poste, car nous devons prendre notre petite pause habituelle et nous serons de retour juste dans une minute. Ne partez pas, merci. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera va a parear. Malagueña zarosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Eres linda.